Regarde mon visage. Regarde mon visage et vois s'il n'y a pas quelque chose qui tremble à l'ombre de mes pas, un ciel pétrifié d'espace inaccessible, un soleil par la mort brusquement pris pour cible, un regard plus profond que l'eau d'un océan qui se fortifierait des larmes du néant.